Coucou, bonjour, bonsoir, vous êtes là? Oui, bizarre, hein, la musique. Ah, que voulez-vous? C'est la chaleur de tous les instants. Mais puisqu'on se retrouve pour cette 744e émission, tout va bien. Le principal, c'est d'être là et de pouvoir écouter tout simplement la musique que l'on aime. Momenti Vienesi, Lucio Pavani, c'est l'indicatif de cette émission qui va laisser la place à Jérôme Robert avec la belle gitane. Et c'est tout de suite et c'est maintenant. Merci d'être fidèle à cette émission. Rendez-vous avec vous que je vous propose le mercredi, le dimanche, mais aussi le lundi. Hier, ici, ailleurs, demain. Elle s'envole au fil des nuages, farouche et belle, princesse du voyage. Vagabonde, elle suit son étoile, de ville en ville, de bal en bal. Une fille au cœur sauvage qu'on ne peut pas mettre en cage. Radio, bella gitana, tu pourrais danser et te laisser vivre. Bella gitana, pourquoi n'aurais-tu pas l'envie parfois d'avoir un toit? Radio, si tu pars, j'aimerais pouvoir te suivre. Bella gitana, c'est toi, belle et rebelle. La vie t'appelle vers notre ciel. Suivre. Bella gitana, c'est toi, belle et rebelle. La vie t'appelle vers d'autres ciels. Adio, bella gitana. Adio, bella gitana. C'est parti pour cette 744e émission avec toujours Jérôme Robert. Sur la musique, la jolie voix de la fille. Et oui, c'est toute la problématique de la musique. Parfois, elle s'en va. Les notes, on les perd, mais on les retrouve. On les retrouve tout de suite avec Baccata mi amor. Ça sent bon l'été, hein. La bachata. Bachata, mi amor. Pense encore et encore. C'est un voyage sur une île jolie comme un trésor. Oh oh, bachata. Je veux danser, t'embrasser, señorita. C'est si beau de rêver dans tes bras. La bachata, belle dominicaine, si belle et si sensuelle. La musique et l'amour me redonnent des ailes. Oh, oh, oh. C'est la bachata qui enflamme nos nuits. Dans la chaleur d'été, jolie fille, viens danser, s'enrouler. La bachata, belle dominicaine, si belle et si sensuelle. La musique et l'amour me retardent des ailes. Oh, oh, oh. C'est la bachata qui enflamme nos nuits dans la chaleur d'été. Jolie fille, viens danser, s'enrouler. Quelque chose d'un peu plus doux, on va dire, avec ceci. Du bien de se revoir, ça fait longtemps que j'y pensais. Je n'ai pris que pour seul bagage les mélodies que tu aimais. Ils sont bien là, les beaux dimanches, les beaux dimanches de printemps. Alors profitons de la danse pendant qu'il en est encore temps. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Alors Simone, c'est une dédicace qui est pour vous, de la part d'Annette et de Daniel, bien évidemment. Alors, chère Simone, une année de plus. Une année de plus, ce n'est rien. Il suffit pour cela que tout se passe bien et avoir l'impression, tout simplement, dans sa tête, et je suis sûr que cette impression-là, vous l'avez, d'avoir toujours 20 ans. Et puis, si parfois l'âge vous crée un petit souci, vous savez, vous renversez les deux chiffres. Enfin, dans la majorité des cas, bien évidemment. Hein. Vous ne les changez pas toujours. Mais là, en l'occurrence, oui, ça vous fait gagner quelques années. Et dans la tête, il n'y a rien de mieux que de croire encore que nous avons 20 ans. Eh oui, que voulez-vous ? C'est ainsi que va la vie, ma chère Simone. Mais vous savez, à votre âge, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout parce que vous avez auprès de vous, autour de vous, plein de gens qui vous aiment. Et ça, je crois que quand l'amour est partagé par celles et ceux que l'on aime également, eh bien, c'est le plus grand bonheur. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, Simone. Et puis, vous pourrez faire un gros bisou à Annette et à Daniel, qui a eu cette délicate pensée de vous offrir ma valserine. Là-bas, là-haut, dans le vent des alpages de ma vallée, c'est le... Également pour les deux jumelles, Christelle et Nathalie. Pardon pour l'oubli. Là-bas, là-haut, valse, valse, ma valserine, j'écoute ton père gazouillis. Autour d'elle, sol et clarine, c'est le chant de mon pays. Près des rochers où le chevreuil s'élance, où le chamois saute en plein ciel. Entre les fleurs valserines, tu danses, les fleurs d'été qui font le miel. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle, sol et clarine, c'est le chant de mon pays. Au mont Jura, l'étrange sortilège qui prend naissance au Bas-Mijou. Si le vent frais vient du craie de la neige, le vent du soir nous rendra fous. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle, sonne et clarine, c'est le chant de mon pays. Ma vallée la plus verte du monde, ma valserine, au nom dansant, c'est dans ton calme et ta douceur profonde que je voudrais vivre cent ans. Valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle, sonne et clarine, c'est le chant de mon pays. Ah, vous savez, j'ai oublié quelque chose, Simone. Il y a aussi un fait, vous savez, quand on vit dans cette belle vallée qui est la vôtre, on ne peut vivre que bien au-delà des 100 ans. Alors, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. Thank you. j'aime la belle vie et le farniente et les petits bals des mois d'été. Et quand mon cœur est triste, je pars en Italie. Je vais chercher ma dose de soleil et de Chianti. Una bella donna di Napoli, un soir a changé toute ma vie. Faut-moi comme elle est jolie, et c'est moi qu'elle a choisi. Elle fait rêver tous les beaux gars du pays. Angelina, jolie princesse d'Italie. C'est pour ses yeux qu'un jour un troubadour lui chante à la Dolce Vita et les plus belles chansons d'amour. Si vous allez un jour à Napoli, vous entendrez dans les ruelles les mandolines, la tarentelle d'un amour infini. Angelina, jolie princesse d'Italie. Ici tous les copains se moquent de moi, une si jolie diva ne me croit pas. Elle a le charme fou d'une sicilienne, ils n'en croient pas leurs yeux, c'est moi qu'elle aime. Elle fait rêver tous les beaux gars du pays, Angelina, jolie princesse d'Italie. C'est mon bonheur, le soleil de ma vie, Angelina, jolie princesse d'Italie. On peut le chanter, la la la la la la. Un prénom Je n'avais jamais pensé à toi comme ça. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Non, je n'aurais pas dû te claquer dans les doigts. Non, je n'aurais pas dû te claquer dans les doigts. Il n'y a pas qu'à 20 ans qu'on fait n'importe quoi. Peu importe quand, qui, peu importe pourquoi. Non, je n'aurais pas dû te claquer dans les doigts. Non, je n'aurais pas dû te claquer dans les doigts. Tiri, tiri. T'es si tendre, oh mon tendre sans toi. Je me suis fait sûr pour moi, moi qui n'aime que toi. Non, je n'aurais pas dû te claquer dans les doigts. Non, je n'aurais pas dû te claquer dans les doigts. Il faut me descendre si tu ne me reviens pas. Je peux me méprendre, mais toi, toi qui n'aimais que moi. Si tu veux me reprendre, tu n'as qu'à claquer dans tes doigts. Si tu veux me reprendre, tu n'as qu'à claquer dans tes doigts. Dans les doigts, non, je n'aurais pas dû te claquer dans les doigts. Tu sais, je vais t'attendre, je ne bougerai pas. Je reste sous mes cendres le jour où tu souffleras. Je serai rouge et tendre sous la peau de tes doigts. Je serai rouge et tendre sous la peau de tes doigts. Tu sais, je vais t'attendre, je ne bougerai pas. Je reste sous mes cendres le jour où tu souffleras. Je serai rouge et tendre. Sous la peau de tes doigts, je serai rouge et tendre. Sous la peau de tes doigts, sous la peau de tes doigts, sous la peau de tes doigts, sous la peau de tes doigts. Des doigts, c'était le titre de ce morceau que l'on vient d'entendre tout simplement. J'aurais quelque chose à dire à une fidèle auditrice de Sorgia FM. Moi, je suis très heureux aujourd'hui. Qu'elle soit là, qu'elle soit revenue là avec nous, parce que, me semble-t-il, qu'elle nous manquait. Eh oui, elle nous manquait tout simplement. C'est la petite Mimi. Je suis heureux du retour parmi nous de la petite Mimi. Je sais qu'Orange, en ce moment, elle a les oreilles collée à la radio. Fidèle auditrice. C'est une fidèle auditrice, ça je peux vous le dire. Parmi les fidèles avec Fanfan, elle a retrouvé les siens, oui, et tout l'amour qu'ils lui portent. heureux qu'elle soit revenue. Moi, je n'ai qu'un petit message à vous dire, ma chère Lulu. Ma chère Lulu. Ma chère Mimi. Eh oui, ma chère Mimi, je n'ai qu'un message à vous dire. Parce que c'est vrai que Lucette vient de m'appeler. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Prenez le temps de recharger les batteries du camping-car. Hein. Et bonjour le bonheur. Oui, oui, bonjour le bonheur. Parce que, oui, il y a des moments comme ça dans la vie qu'il faut... Ouais, qu'il faut passer. C'est pas toujours évident. Mais vous avez su le faire. Et puis, puisque vous avez su le faire, on n'en demandera pas plus. Allez, je vous propose une chanson. Une petite chanson que vous connaissez ou pas. Elle s'intitule « Comme avant ». Pas mieux, pas pire. Quand une histoire d'amour soudain s'arrête, on repense encore bien longtemps à tous ces gestes du cœur qu'on regrette de n'avoir pas donné plus souvent. Si je pouvais tout effacer, mais il y a trop de afin de toi, souvenir de nous, où que j'aille, où que je sois, tu es partout. Un jour, une heure, seulement, ensemble. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Si tu C'est un Hidalgo espagnol. Il s'appelle Agustín. Ah oui, Agustín. C'est pour vous. Il chante bien en français, je vous le promets. Toi qui t'es donné tant de peine pour que j'apprenne à être moi, que j'apprenne à être moi. Parfois tu cachais mes bêtises. Tu étais plus jeune qu'on le croit. Le bonheur était ta devise. Ma meilleure amie c'était toi. Ma meilleure amie c'était toi. Carmina. J'avais promis de ne pas pleurer. Pardon, je t'ai menti, je crois. Si tu arrêtes de me manquer, alors j'arrête d'avoir froid. Je t'avais promis d'être heureux. Tu m'avais promis d'être là. Dis-moi que l'absence est un jeu et que bientôt tu reviendras. Carmina, Carmina, tu savais gommer mon air triste, tu savais dessiner ma joie. Si mon âme est celle d'un artiste, c'est que l'artiste c'était toi. Ce que l'artiste, c'était toi. Tu chantais même dans tes prières et tu m'es bercé de ta voix. Moi, la chanson que je préfère, c'est celle où j'éteins la lumière et où je m'endors dans tes bras. Carmina, j'avais promis de ne pas pleurer. Pardon, je t'ai menti, je crois. Si tu arrêtes de me manquer, alors j'arrête d'avoir froid. Je t'avais promis d'être heureux. Tu m'avais promis d'être là. Dis-moi que l'absence est un jeu et que bientôt tu reviendras. Carmina, pourquoi faut-il que tu me laisses? Comme on laisse un enfant perdu. Dans tes yeux il y a ma jeunesse. Tu le fermes, je ne vois plus. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. S'il suffisait de partir pour chasser. Regret quand on s'en va. Non, ce n'est pas l'aventure qui peut nous faire oublier. C'est un espoir qui rassure, mais qui ne peut rien changer. Même à l'autre bout, aussi loin que l'on voudra, je sais qu'à chaque seconde, mon cœur parlerait de toi. Même à l'autre bout du monde, je t'aurai devant les yeux. Pas une seule seconde, je n'oublierai nos adieux. Où l'on s'aimait, ouais. Même à l'autre bout du monde, aussi loin que l'on voudra, je sais qu'à chaque seconde, mon cœur parlerait de toi.

des mains de vis est là pour le rappeler. On est bien mieux tout seul que mal accompagné. Adieu ma vie Gouden, je trinque à ta santé. On va terminer cette première partie de l'émission avec ceci. Tant pis, c'est du répétitif. Mais ça fait rien. J'y pensais, je n'ai pris que pour seul bagage les mélodies que tu aimais. Ils sont bien là, les beaux dimanches, les beaux dimanches de printemps. Alors profitons de la danse pendant qu'il en est encore temps. Et voilà, c'est avec cette dernière que l'on se quitte, que l'on quitte cette première partie de l'émission pour vite, vite, vite la reprendre avec ceci. L'histoire était si belle que tous nos amis s'en souviennent. On s'aimait d'un amour fou, à contre-temps, à contre-tout. Mais la passion a cette empêche que la vie même ignore peut-être. On se faisait la guerre souvent, tout en s'aimant comme des enfants. C'est dommageable qu'on ne vive que qu'une seule fois, c'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous. Rien, on s'adore, on s'enterre, on trouve une main et on serre. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Da-di-da-di-da, da-di-da. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous aimer. Laissez-vous aller. C'est une version du bonheur que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Une autre façon de parler du bonheur. Voilà, ce sont quelquefois des nouveautés que l'on retrouve dans les vieux cartons, que l'on a un peu délaissés pendant X temps et que l'on retrouve toujours avec un certain bonheur. Voilà, ce n'est qu'un rêve, mais c'est pas interdit non plus de rêver. Parfois, vous savez, le rêve nous apporte une certaine vérité. Parfois aussi, il nous apporte du bonheur. Parce que le rêve, ça restera toujours le rêve. Je vous revois partout, un rêve un peu trop fou. You got, oh, oh, you. Nous n'étions pas amants, c'était pas important. You got. Sous le ciel, elles aiment chanter la vie. Leurs beautés sont pareilles, allument l'incendie. Quand leur feu se réveille, toujours après minuit, la nuit se fait soleil sous la pluie. Toi l'insoumise, toi l'insolente, à la couleur de rêve, les heures se fichent et se suspendent. En rouge de tes lèvres. Hola, hola, hola. Elles ont le regard muy caliente. Hola, hola, hola. Elles ont le cœur toujours ardiente. Hola, hola, hola. Elles savent me tan suavemente. Les Espagnols aman el sol. Les Espagnols aman el sol. Les Espagnols. Elles allument leurs yeux comme de lueurs d'espoir et chantent sous les cieux les feux de leur histoire. Elles aiment comme elles dansent, toujours avec ardeur. Leur fierté est immense, moins que leur cœur. Toi l'insoumise, l'étoile filante, berce les nuits de fièvre. Mes heures sont grises quand il me manque. Le rouge de tes ombre du doute. Si tu n'étais qu'un rêve, croise ma route pour qu'enfin je goûte au rouge de tes lèvres. Ces chansons qui nous font rêver, ces chansons qui nous font rêver sur le 91 et sur le 102.5, et plus particulièrement dans cette émission de Rendez-vous avec vous, que j'ai le plaisir de vous proposer et de vous animer. Ce que disent les gens autour de toi. Je suis rentré un peu tard, j'avais traîné dans les bars avec quelques vieux amis pour profiter de la vie. Mais je ne me souviens pas d'avoir tenu dans mes bras cette fille aux cheveux noirs dont tu me parles tous les soirs. C'est pas moi, Yolanda, qui dansait avec elle ce soir-là. Non, ne crois surtout pas, Yolanda, ce que disent les gens autour de toi. C'est pas moi, Yolanda, qui dansait avec elle ce soir-là. Non, ne crois surtout pas, Yolanda, ce que disent les gens autour de toi. Comme un ange, comme une image, je ne fais plus le joli cœur, car c'est toi mon seul bonheur. Si celui qu'elle embrassait me ressemble très pour très, ils vont me croire mon amour, mon cœur ne fait plus de détours. C'est pas moi, Yolanda, qui dansait avec elle ce soir-là. Non, ne crois surtout pas, Yolanda, ce que disent les gens autour de toi. Ça sera la toute dernière pour cette deuxième partie de l'émission. Et c'est un Hidalgo espagnol qui va vous l'interpréter. La vie est un voyage. Mon ami, je vais te faire une confidence. Dans la vie, ce n'est pas tous les jours qu'on danse. Sans répit, il y a des ondes de turbulence. On ne guérit qu'avec le temps, à l'évidence. Si ce soir, tout est lourd, le poids du monde sur les épaules et pas d'amour. Dis-toi bien que demain, tout peut changer, tout peut chanter, suffit de rien. La vie est un voyage qui se fait sans bagage. Ce qu'on est pour équipage, si tu m'aimes, on partage. Allez bien. Bien sûr que le monde est immense. Mon ami, n'attends pas pour saisir ta chance. On oublie que la douleur c'est comme l'essence. Et l'incendie, mais c'est avec elle qu'on avance. Laisse aller ta tristesse. Une larme qui fuit, c'est un bonheur qui reste. Pas de livre. L'ivresse, la parole n'est pas aussi forte que geste. La vie est un voyage qui se fait sans bagage. Ce qu'on est pour équipage, si tu m'aimes, on partage. Allez bien. Tout est sourd, le poids du monde sur les épaules et rien autour. Prends l'espoir comme un train à la station des rêves et serre là demain. La vie est un voyage qui se fait. Lasciatela dormire. Eh oui, nous sommes dans le quart d'heure italien, hein. Ça y est, nous sommes de l'autre côté des Alpes, tout en étant tout simplement à l'écoute devant peut-être un apéritif, pourquoi pas. Attention, à toujours à consommer avec modération. Di te, di tutto quel che sei, della serenità che tu mi hai regalato. Di te, dei giorni che mi dai, dell'elettricità che metti in ogni bacio. Io vorrei trattenere gelosamente, sai, ogni sensazione, ogni attimo che è stato e che sarà di noi. E per l'eternità che io ti voglio vivere, non smetteremo mai di amarci all'impossibile, ci troveremo qua a piangere, a sorridere di noi, saremo FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz. Également sur 102.5. Così come noi che ci amiamo e nulla e nessuno potrà mai spezzare i nostri due cuori. La gente dice non potranno stare per sempre vicini. Well, no. loro amore e senza futuro son come bambini. Però l'invidia che cosa fa dire? Perché ci voglio vedere soffrire, ma noi scrolliamo le spalle e diciamo chi vive vedrà. Sapevo, tu lo hai lasciato e mi hai detto e giurato, io non l'amo più. Adesso sei tu, l'amore mio, quel sentimento che proviamo noi, nessuno lo sa. La gente dice non potranno stare per sempre vicini, quel loro amore è senza futuro, son come bambini. Però l'invidia che cosa fa dire? Perché ci voglio vedere soffrire, ma noi scrolliamo le spalle e diciamo chi vive vedrà. Perché ci voglio vedere soffrire, ma noi scrolliamo le spalle e diciamo chi vive vedrà. Ma noi scrolliamo le spalle e diciamo chi vive vedrà. Sì, noi scrolliamo le spalle e diciamo chi vive vedrà. Nous sommes dans l'amour là avec ces chansons italiennes, dans le véritable amour. C'est comme ça. Vous êtes sur le 91 en tout cas et sur le 102.5 sur GFM. Romanzo d'amore, la nostra storia è come il mare, l'onda che arriva e poi si ritrae contro gli scogli, poi d'un tratto si infrange in un romanzo. Abbiamo vissuto quante montagne abbiamo scalato, quel giorno il nostro amore ci ha uniti e poi la gelosia ci ha divisi, con te ho litigato ma poi amato, per me al mondo c'eri solo tu. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta, tu scendi, sali e scendi e poi torni su. Romanzo d'amore, storie di vita tra quattro mura, piogge, tempesta, poi torna il sole, ma quest'amore non si dissolve. gelosia ci ha divisi. Con te ho litigato, ma poi ti ho amato. Per me al mondo c'eri solo tu. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su. Notte profiter parce qu'il ne nous en reste plus beaucoup à écouter, plus beaucoup de temps, plus beaucoup de chansons, mais on va encore profiter de ces derniers moments. Presque au bout, hein. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et on va y être, c'est la toute dernière. C'est parti. Guardo te e un cuore innamorato. Ma lo neghi sempre, te lo leggo in fronte. Ma perché non me lo hai detto subito? Sei troppo mi importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore. A me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Ci migliora e allora lasciati un po' andare, dai su, fidati di me. Il gioco dell'amore sai qual è. Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore. A me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Dolce amore mio, sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore. Allez, c'est avec beaucoup de baisers que je vous quitte. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. Voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Vous écoutez sur GFM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.